Liaison dangereuse de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Deuxième épisode. Pendant que Valmont tente de séduire la vertueuse présidente de Tourvel, Cécile Volange, sur le point d'épouser le comte de Gercourt, prend des cours de musique auprès de Danceny. Lettre 16, Cécile Volange à Sophie Carnet, ce 19 août. Ah, ma Sophie, voici bien des nouvelles. Je ne devrais peut-être pas te les dire, mais il faut bien que j'en parle à quelqu'un, c'est plus fort que moi. Ce chevalier Danceny. Je suis dans un trouble que je ne peux pas écrire. Je ne sais par où commencer. Depuis que je t'avais raconté la jolie soirée que j'avais passée chez maman avec lui et Madame de Merteuil, je ne t'en parlais plus. C'est que je ne voulais plus en parler à personne, mais j'y pensais pourtant toujours. Il était devenu si triste, mais si triste que ça me faisait de la peine. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait que non, mais je voyais bien que si. Enfin, hier, il était encore plus que de coutume. Ça n'a pas empêché qu'il n'ait eu la complaisance de chanter avec moi comme à l'ordinaire, mais toutes les fois qu'il me regardait, cela me serrait le cœur. Après que nous eûmes fini de chanter, il alla renfermer ma harpe dans son étui, et en m'en rapportant la clé, il me pria d'en jouer encore le soir, aussitôt que je serais seule. Quand je fus retirée chez moi, j'allai pour prendre ma harpe. Je trouvai dans les cordes une lettre qui était de lui. Ah, si tu savais tout ce qu'il me mande. Depuis que j'ai lu sa lettre, j'ai tant de plaisir que je ne peux plus songer à autre chose. Je l'ai relue 4 fois, et puis je l'ai serrée dans mon secrétaire. Je la savais par cœur, et quand j'ai été couchée, je l'ai tant répété que je ne songeais pas à dormir. Dès que je fermais les yeux, je le voyais là, qui me disait lui-même tout ce que je venais de lire. Je ne me suis endormie que bien tard, et aussitôt que je me suis réveillée, j'ai été reprendre sa lettre pour la relire à mon aise. Je l'ai emportée dans mon lit, et puis je l'ai baisée comme si... C'est peut-être mal de baiser une lettre comme ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. À présent, ma chère amie, je suis bien embarrassée, car sûrement il ne faut pas que je réponde à cette lettre-là. Qu'est-ce que tu me conseilles ? J'ai bien envie d'en parler à Madame de Merteuil. Je voudrais bien le consoler, mais je ne voudrais rien faire qui fût mal. On nous recommande tant d'avoir bon cœur, et puis on nous défend de suivre ce qu'il nous inspire quand c'est pour un homme. Dame, ce n'est pas juste non plus. Est-ce qu'un homme n'est pas notre prochain comme une femme, mais plus encore ? Cependant, si j'allais faire quelque chose qui ne fût pas bien, peut-être que M. Danceny lui-même n'aurait plus bonne idée de moi. Or ça, par exemple, j'aime encore mieux qu'il soit triste. Oh, je suis bien en peine. Adieu, ma bonne amie. Dis-moi toujours ce que tu penses. Lettre 19. Cécile Volange au chevalier Danceny, ce 20 août. Vous étiez si triste hier, monsieur, et cela me faisait tant de peine que je me suis laissée aller à vous promettre de répondre à la lettre que vous m'avez écrite. Je n'en sens pas moins aujourd'hui que je ne le dois pas. Pourtant, comme je l'ai promis, je ne veux pas manquer à ma parole. Et cela doit bien vous prouver l'amitié que j'ai pour vous. À présent que vous le savez, j'espère que vous ne me demanderez pas de vous écrire davantage. J'espère aussi que vous ne direz à personne que je vous ai écrit. Vous voyez, monsieur, que je vous parle bien sincèrement. Je ne demande pas mieux que notre amitié dure toujours. Mais je vous en prie, ne m'écrivez plus. J'ai l'honneur d'être Cécile Volange. Lettre 20. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ce 20 août. Ah, fripon! Vous me cajolez de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce. Vous m'écrivez tant de folie qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre présidente. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez, et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Je suis curieuse de voir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quelle voile elle met sur ses actions après n'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut. Mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon amant. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait dans ce moment un rival dangereux. C'est la petite Volange. Je raffole de cet enfant. C'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer, et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son Danceny avec fureur, mais elle n'en sait encore rien. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. Pour la petite, je suis tentée d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là et que nous lui donnerons une femme toute formée au lieu de son innocente pensionnaire. Adieu, vicomte. Bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eue. Lettre 21. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ce 20 août. Enfin, ma belle amie, j'ai fait un grand pas en avant. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches? Eh bien, voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver dans les environs quelque malheureux qui eût besoin de secours. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eût dans cette maison aucune femme dont l'âge et la figure puissent rendre mon action suspecte, et quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine à 50 pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'entre en chasse et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir dans ma route que de faire courir le drôle qui me suivait. Cependant, j'arrive au village, je vois de la rumeur, je m'avance, j'interroge, on me raconte le fait. Je fais venir le collecteur, et cédant à ma généreuse compassion, je paye noblement 56 livres pour lesquels on réduisait 5 personnes au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel cœur de bénédiction retentit autour de moi de la part des assistants. Quelles larmes de reconnaissance coulaient des yeux du vieux chef de cette famille et embellissaient cette figure de patriarche qu'un moment auparavant, l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse. Au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli, je regagnai le château. J'oubliais de vous dire que pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le souper est servi. Je ferme cette lettre et vous manderai la suite plus tard. J'en suis fâché, car le reste est le meilleur. Adieu, ma belle amie. Lettre 22. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges, ce 20 août. Vous serez sans doute bien aise, madame, de connaître un trait de Monsieur de Valmont qui contraste beaucoup avec tous ceux sous lesquels on vous l'a représenté. Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelque projet de sa part dans les environs, comme l'idée vous en était venue. Idée que je m'accuse d'avoir saisie avec trop de vivacité. Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injustes, un de mes gens devait aller du même côté que lui. Il nous a rapporté que M. de Valmont, ayant trouvé une malheureuse famille dont on vendait les meubles, faute d'avoir pu payer les impositions, s'était empressé non seulement d'acquitter sur le champ la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon domestique a été témoin de cette vertueuse action. Et il m'a rapporté de plus que les paysans, causant entre eux et avec lui, avaient dit qu'un domestique qu'ils ont désigné, et que le mien croit être celui de M. de Valmont, avait pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère et que l'occasion détermine, c'est le projet formé de faire du bien. Le seul récit de cette action m'a attendrie jusqu'aux larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que lorsque je lui en ai parlé, il a commencé par s'en défendre, et a ensuite eu l'air d'y mettre si peu de valeur que sa modestie en doublait le mérite. À présent, dites-moi, ma respectable amie, si Monsieur de Valmont est en effet un libertin sans retour. Non, j'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne sont pas éternelles, et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. Monsieur de Valmont n'est peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si, d'une part, elle peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui m'unit à vous pour la vie. Lettre 23. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 21 août, à 4h du matin. Nous en sommes restés à mon retour au château, je reprends mon récit. Je me rendis au salon où ma belle faisait de la tapisserie, tandis que le curé du lieu lisait la gazette à ma vieille tante. Des regards, plus doux encore que de coutume, me firent bientôt deviner que le domestique avait déjà rendu compte de sa mission. En effet, mon aimable curieuse ne put garder plus longtemps le secret qu'elle m'avait dérobé. « J'ai bien aussi ma nouvelle à débiter, » dit-elle, et elle raconta mon aventure. Vous jugez comme je déployais toute ma modestie. Mais qui pourrait arrêter une femme qui fait, sans s'en douter, l'éloge de ce qu'elle aime ? Je pris donc le parti de la laisser aller. On eût dit qu'elle prêchait le panégyrique d'un saint. Pendant ce temps, j'observais tout ce que promettait à l'amour son regard animé, son geste devenu plus libre, et surtout ce son de voix qui trahissait l'émotion de son cœur. Après le dîner, Madame de Rosemonde passa dans son appartement et nous laissa tête à tête, ma belle et moi, dans un salon mal éclairé. C'est elle-même qui prit soin de diriger la conversation où je voulais la conduire. « Quand on est si digne de faire le bien, » me dit-elle en arrêtant sur moi son doux regard, « comment passe-t-on sa vie à mal faire ?»« Je ne mérite, » lui répondis-je, « ni cet éloge, ni cette censure. » Vous trouverez la clé de ma conduite dans un caractère malheureusement trop facile. Entouré de gens sans mœurs, j'ai imité leurs vices. Séduit de même ici par l'exemple des vertus, sans espérer de vous atteindre, j'ai au moins essayé de vous suivre. Ce n'est pas à moi, continuai-je, c'est à vous que ces malheureux ont dû mes secours. Je n'étais, puisqu'il faut le dire, que le faible agent de la divinité que j'adore. Ici, elle voulut m'interrompre, mais je ne lui en donnais pas le temps. Dans ce moment même, ajoutai-je, mon secret ne m'échappe que par faiblesse. Je m'étais promis de vous le taire. Je me faisais un bonheur de rendre à vos vertus comme à vos appas un hommage pur que vous ignoreriez toujours. Mais je suis incapable de tromper quand j'ai sous les yeux l'exemple de la candeur. Ne croyez pas que je vous outrage par une criminelle espérance. Je serai malheureux, je le sais. Mais mes souffrances me seront chères. Elles me prouveront l'excès de mon amour. C'est à vos pieds, c'est dans votre sein que je déposerai mes peines éternelles. J'y puiserai des forces pour souffrir de nouveau. Ô vous que j'adore, écoutez-moi, plaignez-moi, secourez-moi. Cependant, j'étais à ses genoux et je serrais ses mains dans les miennes. Mais elle, les dégageant tout à coup et les croisant sur ses yeux avec l'expression du désespoir, « Ah, malheureuse !» s'écria-t-elle, puis elle fondit en larmes. Par bonheur, je pleurais aussi, et reprenant ses mains, je les baignais de pleurs. Cette précaution était bien nécessaire, car elle était si occupée de sa douleur qu'elle ne se serait pas aperçue de la mienne si je n'avais trouvé ce moyen de l'en avertir. Ma tête s'échauffait, et j'étais si peu maître de moi que je fus tenté de profiter de ce moment. Nous entendîmes du bruit. Madame de Tourvel se leva précipitamment et sortit. Je la suivis. À peine eus-je fait quelques pas que que je l'entendis précipiter sa marche et se jeter plutôt qu'entrer dans son appartement. Je regardai à travers la serrure et je vis cette femme adorable à genoux, baignée de larmes et priant avec ferveur. Quel Dieu osait-elle invoquer? En est-il d'assez puissant contre l'amour? En vain cherche-t-elle à présent des secours étranges. C'est moi qui réglerai son sort. J'aperçois le point du jour. J'espère que la fraîcheur qui l'accompagne m'amènera le sommeil. Je vais me remettre au lit. Et quel que soit l'empire de cette femme, je vous promets de ne pas m'occuper tellement d'elle qu'il ne me reste le temps de songer beaucoup à vous. Adieu, ma belle amie. Lettre 25. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Ce 22 août. Voici le bulletin d'hier. À 11 heures, je fus introduit chez la feinte malade qui était encore couchée. Elle avait les yeux très battus. J'espère qu'elle avait aussi mal dormi que moi. Je saisis un moment où Madame de Rosemonde s'était éloignée pour remettre une lettre où j'implorais son indulgence. On refusa de la prendre, mais je la laissai sur le lit. Il fallut bien serrer la lettre pour éviter le scandale. Madame de Rosemonde m'engagea à tâter le pouls de la malade, en vantant beaucoup mes connaissances en médecine. Je pris sa main que je serrai dans une des miennes, pendant que de l'autre, je parcourais son bras frais et potelé. Un moment après, elle dit qu'elle voulait se lever et nous la laissâmes seuls. Elle parut au dîner. Je trouvai le moment de lui demander si elle avait eu la bonté de m'instruire de mon sort, et je fus un peu étonné de l'entendre me répondre « Oui, monsieur, je vous ai écrit. » Elle me remit sa lettre le soir, au moment de se retirer chez elle. Je vous l'envoie, lisez et jugez. Voyez avec quelle insigne fausseté elle affirme qu'elle n'a point d'amour quand je suis sûr du contraire. Patience. Mais adieu. J'ai encore beaucoup à écrire. Lettre 26. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Ce 21 août. Sûrement, monsieur, vous n'auriez eu aucune lettre de moi si ma sotte conduite d'hier au soir ne me forçait d'entrer aujourd'hui en explication avec vous. Accoutumée à n'inspirer que des sentiments honnêtes, je ne sais ni dissimuler ni combattre les impressions que j'éprouve. J'ai cru, et c'est là mon seul tort, j'ai cru que vous respecteriez une femme honnête, qui ne demandait pas mieux que de vous trouver telle et de vous rendre justice, qui vous défendait, tandis que vous l'outragiez par vos vœux criminels. Vous ne me connaissez pas. Non, monsieur, vous ne me connaissez pas. Vous me forcez à vous craindre, peut-être à vous haïr. Je ne le voulais pas. Je ne voulais voir en vous que le neveu de ma plus respectable amie. J'opposais la voie de l'amitié à la voie publique qui vous accusait. Vous avez tout détruit. Et, je le prévois, vous ne voudrez rien réparer. Je vous déclare, monsieur, que vos sentiments m'offensent, que leur aveu m'outrage, et que loin d'en venir un jour à les partager, vous me forceriez à ne vous revoir jamais si vous ne vous imposiez sur cet objet un silence absolu. J'espère que vous voudrez bien me remettre ma lettre après l'avoir lue. Je serais peinée qu'il restât aucune trace d'un événement qui n'eût jamais dû exister. Lettre 27. Cécile Volanges à Madame de Merteuil, ce 23 août. Mon Dieu, que vous êtes bonne, madame. Comme vous avez bien senti qu'il me serait plus facile de vous écrire que de vous parler. Aussi, c'est que ce que j'ai à vous dire est bien difficile. Mais vous êtes mon ami, n'est-il pas vrai? J'ai bien du chagrin. Il me semble que tout le monde devine ce que je pense. Mes larmes viennent sans cesse malgré moi. Voilà comme je passe ma vie, surtout depuis 4 jours. C'est ce jour-là que monsieur le chevalier Danceny m'a écrit. Or, je vous assure que quand j'ai trouvé sa lettre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais pour ne pas mentir, je ne peux pas dire que je n'ai eu bien du plaisir en la lisant. Mais je savais bien que je ne devais pas le lui dire, et je peux bien vous assurer même que je lui ai dit que j'en étais fâchée. Mais il dit que c'était plus fort que lui, et je le crois bien, car j'avais résolu de ne pas lui répondre, et pourtant je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, je ne lui écris qu'une fois. Mais malgré cela, il m'écrit toujours, et comme je ne lui réponds pas, je vois bien qu'il est triste, et ça m'afflige encore davantage. Si bien que je ne sais plus que faire, ni que devenir, et que je suis bien à plaindre. Dites-moi, je vous en prie, madame, est-ce que ce serait bien mal de lui répondre de temps en temps ? Seulement jusqu'à ce qu'il ait pu prendre sur lui de ne plus m'écrire lui-même et de rester comme nous étions avant. Car pour moi, si cela continue, je ne sais pas ce que je deviendrai. Puisque vous m'avez permis de vous écrire, j'en ai profité pour vous dire tout et je compte sur votre amitié. Lettre 29. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Ce 24 août. Je te le disais bien, Sophie, qu'il y avait des cas où on pouvait écrire. Et je t'assure que je me reproche bien d'avoir suivi ton avis, qui nous a fait tant de peine au chevalier Danceny et à moi. La preuve que j'avais raison, c'est que Madame de Merteuil a fini par penser comme moi. Je lui ai tout avoué. Elle exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et toutes celles du chevalier Danceny, afin d'être sûre que je ne dirai que ce qu'il faudra. Ainsi, à présent, me voilà tranquille. Mon Dieu, que je l'aime, Madame de Merteuil. Elle est si bonne. Et c'est une femme bien respectable. Comme je m'en vais écrire à Monsieur Danceny et comme il va être content. Il le sera encore plus qu'il ne le croit, car jusqu'ici je ne lui parlais que de mon amitié et lui voulait toujours que je dise mon amour. Madame de Merteuil m'a dit que j'avais eu raison et qu'il ne fallait convenir d'avoir de l'amour que quand on ne pouvait plus s'en empêcher. Or, je suis bien sûre que je ne pourrais pas m'en empêcher plus longtemps. Madame de Merteuil m'a dit aussi qu'elle me prêterait des livres qui parlaient de tout cela et qui m'apprendraient bien à me conduire et aussi à mieux écrire que je ne fais. Elle m'a recommandé seulement de ne rien dire à maman de ces livres-là parce que ça aurait l'air de trouver qu'elle a trop négligé mon éducation et ça pourrait la fâcher. Oh, je ne lui en dirai rien. C'est pourtant bien extraordinaire qu'une femme qui ne m'est presque pas parente prenne plus de soin de moi que ma mère. C'est bien heureux pour moi de l'avoir connue. Adieu, ma Sophie. Je m'en vais écrire à Monsieur le Chevalier Danceny. Oh, je suis bien contente. Lettre 30. Cécile Volanges au Chevalier Danceny, ce 24 août. Enfin, monsieur, je consens à vous écrire, à vous assurer de mon amitié, de mon amour, puisque sans cela, vous seriez malheureux. Si vous avez eu du chagrin de ce que je ne vous écrivais pas, croyez-vous que ça ne me faisait pas de la peine aussi? Mais c'est que pour toute chose au monde, je ne voudrais pas faire quelque chose qui fût mal. Et même je ne serais sûrement pas convenue de mon amour si j'avais pu m'en empêcher. Mais votre tristesse me faisait trop de peine. J'espère qu'à présent vous n'en aurez plus et que nous allons être bien heureux. Je compte avoir le plaisir de vous voir ce soir. À présent que vous savez que je vous aime, j'espère que vous resterez avec moi le plus que vous pourrez. Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste à présent, mais ce n'est pas ma faute. Je demanderai à jouer de la harpe aussitôt que vous serez arrivée, afin que vous ayez ma lettre tout de suite. Je ne peux mieux faire. Adieu, monsieur. Je vous aime bien, de tout mon cœur. Plus je vous le dis, plus je suis contente. J'espère que vous le serez aussi. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Deuxième épisode avec Élodie Hubert, Cécile Volanges, Sophie Doll, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Niort, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande.